marche dans le vide et je me sens fragile. Je crois que je n'y arrive pas. J'ai peur de ceux qui partent, d'affronter les regards quand ils viennent se poser sur moi. Je suis à bout de souffle, je crois que ce que j'éprouve brûle tout ce qui reste de moi. Et ça me prend la tête, et puis je me répète, tout ira mieux demain, tout bas. J'ai comme une envie de vriller, une envie de tout casser, oh comme je voudrais tout balancer. Comme une envie de tout plaquer, comme j'aimerais avancer, je voudrais crier, aidez-moi, aidez-moi. Je me sens seule, c'est quelle pièce du puzzle, celle qui pourra me réparer. Ma gorge se resserre, j'ai perdu le repère, je crois que je peux plus respirer.